au point. Ça peut faire nous du bien. Pas t'y penser pour faire son jus. Chez moi c'est barricade. Pour moi, c'est en chance. Mais où toujours en méfiance. Dis-moi seulement moi qu'à flasher. Mais où toujours qu'à douter. En confiance, moi besoin couper exit.